Bonjour, monsieur Blaise. Est-il vrai, Lisette, qu'il est venu quelqu'un de Paris pour monsieur Lucidor? Oui, à ce que j'ai su. Dit-on que ce soit pour l'emmener à Paris qu'on est venu? C'est ce que je ne sais pas. Monsieur Lucidor ne m'en a rien appris. Il n'y a pas d'apparence. Il veut auparavant vous marier dans l'opulence, à ce qu'il dit. Me marier, monsieur Blaise? Et à qui donc, s'il vous plaît? La personne n'a pas encore de nom. Il parle vraiment d'un très grand mariage. Il s'agit d'un homme du monde. Et il ne dit pas qui c'est ni d'où il viendra. D'un homme du monde qu'il ne nomme pas? Je vous rapporte ses propres termes. Eh bien, je n'en suis pas inquiète. On le connaîtra tôt ou tard. Ce n'est pas moi, toujours. Je le crois bien. Ce serait là un beau mystère. Vous n'êtes qu'un homme des champs, vous. Eh bien, est-ce que les champs ne sont pas dans le monde? C'est à pendant, j'ai mes prétentions et tout. Mais je ne me cache pas, je dis mon nom. Je me montre en publiant que je suis amoureux de vous, vous le savez bien. Je l'avais oublié. Mais voilà pour vos alavisés d'air chef. Vous souciez-vous un peu de ça, mademoiselle Angélique? Hélas, guerre. Guerre? C'est toujours quelque chose. Prenez-y garde au moins, car je vais me douter sans façon que je vous plaise. Je ne vous le conseille pas, monsieur Blaise, car il me semble que non. Oh, bon ça, voilà qui se comprend. C'est pourtant fâcheux, voyez-vous. Ça me chagrine. Mais n'importe, ne vous gênez pas. Je reviendrai tantôt pour savoir si vous désirez que j'en parle à madame Argante ou s'il faudra que je m'en taise. Ruminez ça à part vous et faites à votre guise. Bonjour. Que vous êtes avenante. Quelle cervelle!